check, Pour niquer mon moral, elles se font fait toutes belles. Les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et ce frère me manquera, et ce frère me manquera. Fin de route, laisse-moi mettre un dernier coup de pelle. Tout est fini, tout a changé, tout ce qui se passe en pire. Qui vient prendre mes patins, casse ses quatre patins, je m'en tire. Ça y est, j'ai perdu le pilote, l'affaire avalé ma carte. Cassé la gova, fini le pédo et rendu là-bas. Et j'ai plus rien à perdre si tu dois me faire pelle. Oubliez qui j'étais pour elle. Et madame est partie, et madame est partie. Les souvenirs et le vécu remplissent la poubelle. Ce soir je fais la fête. Ce soir je fais la fête. Ce soir je fais la fête. Tout seul et tout me manque. Ce soir je fais la fête. Ce soir je fais la fête. J'ai fini tout le rhum. J'suis pas foutu mais c'est tout comme. Mon frérot ramasse-moi, mon frérot ramasse-moi. J'veux pas qu'il se foute de ma gueule, sous Jack on fait tous l'homme. La vie dit j'vais te la mettre, écrit en toutes lettres. Ne parle que de défaite et ne sait que se battre en traître. Demain ne promet rien, s'illusionne ou se ment. Je la laisse faire son œuvre, me couler doucement. Je ne répondrai plus jamais à ses appels. Fais descendre l'espoir en rappel. Les coups je les sens plus, le froid je le sens pas. Cousin renvoie la corde et profondeur m'appelle. Ce soir je fais la fête. Ce soir